Chapitre 44e. Accord parfait. Le tour était réussi, digne de Zygomar. Sur la voiture de Brasseur, c'était Zygomar lui-même qui se tenait, comme l'avait pressenti pour un broquet. C'est lui qui descendit dans la cave avec ses deux plus hardis lieutenants. Jusqu'à ce moment, en vérité, les dispositions de Paulin Broquet étaient si heureusement, si habilement prises, qu'il ne se doutait de rien. Zygomar marchait, croyant vraiment à ce moment la partie gagnée. En chemin, il avait pu voir la voiture des ambulances militaires s'éloigner avec les ouvriers du génie. Ces hommes, ne se doutant pas encore que le peloton de gardes républicains qui les suivait allait sous peu les encadrer, les arrêter, lui avaient fait signe que tout allait parfaitement. Il marchait donc à coup sûr, riant déjà du beau tour qu'il jouait à son ennemi. Ce ne fut qu'en pénétrant avec sa voiture de Brasseur dans la cour de l'hôtel du gouverneur qu'il conçut quelques soupçons. Son flair lui montra aussitôt où se trouvait le danger, et immédiatement il se prépara à y faire face. Le meilleur moyen était de laisser croire à Paulin Broquet, dont il devina, dont il sentit, pour ainsi dire, quel gibier qu'est le sentiment de la venue du chien, la présence dans la maison, dans la cave, qu'il ne se doutait pas de la filière. Zygomar se dit que la meilleure embuscade devait se faire dans la cave et que Paulin Broquet avait certainement fait choix de celle-là. Alors sa tactique était de donner à entendre à son adversaire qu'il tombait carrément dans son piège afin de ne pas lui laisser le temps d'en préparer un autre. Mais jamais, nous le savons, on ne prenait Zygomar au dépourvu. Si Zygomar s'engageait dans la cave par ce soupirail, c'est que Zygomar avait le moyen de sortir de la cave par un autre chemin, alors que le soupirail serait fermé. En effet, il entra avec ses hommes par le soupirail, mais au lieu de descendre dans la cave, il se faufila par l'escalier de service dans les appartements du gouverneur lui-même. Alors, fouillé dans les armoires, revêtir un habit du gouverneur, prendre des habits de femme, fut l'affaire de quelques minutes. Dans leurs poches, Zygomar et ses hommes avaient de quoi se grimer et changer de tête. En un clin d'œil, ce fut fait. Et profitant de ce hasard, ce bon hasard, favorable le plus souvent aux coquins, qui amena devant le perron la voiture du gouverneur, Zygomar, avant le gouverneur, put s'enfuir, glisser une fois de plus entre les doigts de Paulin Broquet. « Peau d'anguille, » dit Paulin Broquet, « toujours peau d'anguille. » Et il ajouta, « Je trouverai bien le filet dans lequel je te prendrai. » En tout cas, si Zygomar lui glissait entre les doigts, Paulin Broquet retenait le million qui allait fuir aussi. On trouva en effet dans les trois tonneaux une grosse partie des sacs de louis, empilés et maintenus par de la paille tassée qui devait amortir le choc pendant leur transport, et empêcher tout bruit de révéler ce que contenaient ces tonneaux en apparence vide. Paulin Broquet, selon son habitude, une affaire étant liquidée, passa immédiatement à une autre. L'amorce, qu'il avait mis en observation autour de la maison de Madame Garitsa, lui apprit qu'un soir, il lui sembla avoir reconnu Zygomar pénétrant dans la maison de la jolie jeune femme. Si Paulin Broquet avait fait redoubler de surveillance autour de la maison de l'ami du colonel de Fongrive, c'est que d'Allemagne des nouvelles assez inquiétantes lui étaient parvenues. L'agent de sa brigade qu'il envoya en Allemagne pour surveiller cette trahison put surprendre le Z, peut-être était-ce Zygomar lui-même, qui négociait les documents dérobés au colonel de Fongrive pendant l'entretien qu'il eut avec l'agent allemand chargé de traiter cette affaire. L'homme du détective, sans avoir pu toutefois connaître tout ce qui fut dit au cours de cette entrevue, en put surprendre suffisamment pour savoir que l'Allemagne n'était pas du tout satisfaite des pièces qu'on lui livrait. Tout ce qu'on lui donnait comme nouveaux documents sur le détonateur Imailo était depuis longtemps en partie connu. Il s'agissait des premiers essais du fameux canon Imailo et non du détonateur nouveau qui doublait la valeur de l'arme merveilleuse. Or, précisément, c'était ces documents que l'Allemagne voulait, les autres, elle les avait. « Bon, » se dit Paulin Broquet, « il est dès maintenant certain que Zygomar va demander des explications à Madame Garitsa. » Donc, la visite de cet homme, dans lequel la morse crut reconnaître Zygomar, n'avait rien qui pût surprendre Paulin Broquet. Aussi, dès le lendemain, au matin, un accordeur de piano se présentait chez Madame Garitsa. La bonne, qui était la seule domestique de Madame Garitsa, venait, comme faisait cette couperosée Marguerite, la Gretchen du capitaine Malter, de descendre pour aller faire son marché, peut-être même pour donner des nouvelles de sa maîtresse aux aides ou recevoir des instructions de Zygomar, sous le prétexte quotidien d'aller aux commissions. Ce fut Madame Garitsa qui vint donc, elle-même, ouvrir quand le détective sonna. Tout d'abord, elle déclara que son piano n'avait nullement besoin de l'accordeur. Mais Paula Broquet sut rapidement se faire reconnaître, et Madame Garitza le fit entrer dans le salon qu'il connaissait et où s'était passée la scène dramatique entre elle et le maître. Madame Garitza tremblait d'émotion. « C'est le ciel qui vous envoie, » dit-elle. « Depuis cette nuit, je suis plus morte que vive. »« Oui, je sais, » répondit Paula Broquet. « Il est venu hier. Entrevue dramatique, je m'en doute. C'est pour cela que je suis là. » Puis il ajouta, « Mais avant toute chose, permettez-moi de voir si les murs n'ont pas d'oreilles et les portes pas d'yeux. Avec lui, il faut se méfier de tout, même des rosaces du plafond. » Très attentivement, Paula Broquet fit le tour de l'appartement. Il en explora les moindres coins, puis il demanda, « Votre bonne, vous en êtes sûre? Vous ne croyez pas que c'est une créature du maître placée auprès de vous ?»« Je ne sais pas, » répondit Madame Garitza. « Jamais je n'ai eu le moindre soupçon sur elle, mais je me méfierai. » Elle est descendue faire son marché. Elle va rentrer. Nous avons le temps de parler, d'arrêter certains points. La marche nouvelle à suivre. » Il ajouta. « Cependant, comme malgré tout je me méfie, laissez-moi prendre quelques précautions contre une indiscrétion possible, soit de la bonne, soit de tout autre. » Il sortit d'une boîte en carton contenue dans sa trousse d'accordeur quelques clous ayant la forme de punaises à dessin. Mais la tête de ces clous était doublée de plomb, de sorte que toujours il se tenait la pointe en l'air. Cette pointe, assez longue, était en acier très dur et très effilé. Elle devait percer même des semelles. Paula Broquet en sema une poignée un peu en avant de la chambre à coucher, dans la chambre même, et dans le corridor devant la porte du salon. « Vous aurez soin, madame, » dit-il à Madame Garitza, « de ne pas vous engager dans votre chambre, ni dans le corridor, avant que j'aie débarrassé le tapis de ces chevaux de frise. Maintenant, nous sommes tranquilles. Personne ne pourra venir écouter à l'une de ces deux portes sans que nous en soyons prévenus, je vous le garantis. » Puis il alla au piano. « Comme je suis accordeur, » dit-il, « il faut que si la bonne rentre sans que nous l'entendions, elle puisse croire qu'en effet j'accorde. » Alors il enleva le front de l'instrument, le panneau de face et le battant qui recouvrait les touches. Puis il glissa une réglette dans les cordes et adapta à une cheville une clé à longue poignée noire, sur laquelle il se garda bien de peser. Toutefois, avec un doigt, il se mit à taper au hasard sur quelques notes. Pendant ce temps, Madame Garitza lui faisait le récit de son entretien de la nuit dernière avec le maître. « Il paraît, dit-elle, qu'en Allemagne, ils ont refusé de verser la somme convenue parce que les documents sont trop anciens, qu'ils les ont déjà et qu'ils sont en quelque sorte tombés dans le domaine public. Ce n'est un secret pour aucun État. Nous nous y attendions, qu'avez-vous répondu ? Ainsi que vous me l'aviez indiqué, que le colonel n'avait chez lui que cela et qu'il m'était absolument impossible d'en prendre d'autres. Et lui ? Il m'a dit, cela me semble fort étrange, car dans ce cas, le colonel aurait des soupçons et ne mettrait ses documents qu'à bon escient pour nous tromper. Ou bien vous savez, ou vous ne voulez pas reconnaître les autres et me les fournir. Vous espérez peut-être me jouer en croyant que je me contenterai de ces pièces. Cela ne peut en tout cas durer longtemps. Je vais voir moi-même ce qu'il en est. Sur quel ton vous a-t-il dit cela? Sur un ton net et sec, plein de menaces. Avec son sourire de tigre, je tremblais, j'avais froid quand il parlait, car je voyais bien qu'il devinait la vérité, et je redoutais de ne pouvoir tenir mon rôle jusqu'au bout. Oui, je craignais le moment où il aurait voulu quand même m'arracher le secret de notre entente. Il n'insista pas. Non, il me dit, « Peut-être dites-vous vrai et jouez franc jeu. M'obéissez-vous exactement. » Dans ce cas, ma chère amie, vous êtes moins intelligente que je le croyais. Et vous vous montrez d'une extrême maladresse. Il faudra donc vous préparer à partir, puisqu'ici votre concours ne m'est d'aucune utilité. » Et comme il s'en allait, sur le pas de la porte, il ajouta, toujours en riant, « C'est ce qu'il y aurait de meilleur pour vous. Parce que si vous n'avez pas rempli votre mission, j'aurai le grand chagrin de vous infliger la punition dont je vous ai parlé, dont vous ne soupçonnez pas l'horreur. Au revoir, cher ami, au revoir. » Ce récit cruel, fait avec l'accompagnement nasillard de notes diverses que Paula Broquet était censé mettre au diapason, avait quelque chose de tragiquement comique du plus intense effet. Cette femme jolie, jeune, qui annonçait le supplice que le bandit lui réservait, qui tremblait de frayeur, qui pleurait en parlant pendant que le détective tapait sur les touches du piano, étant lui-même en proie à une fébrile émotion, c'était une situation nouvelle dans l'horreur dramatique. pendant ces accords donnés fois exprès, émouvants, crispants, pendant ce récit, cet effroi de torture, cette perspective de mort épouvantable, on sentait le souffle du bourreau, du maître cruel, de Zigomar. Et Paulin Broquet, le front soucieux, les sourcils plissés, les yeux pleins de flammes, redoutant malgré lui un coup infernal du bandit, avait peur de ne pouvoir arracher cette malheureuse à la terrible condamnation du maître, lui épargner le châtiment inconnu dont il redoutait le caractère infernal. Car il se disait que Zigomar avait beaucoup à venger maintenant, et de terribles exemples à donner. Qui sait, pensait Paulin Broquet, si sa vengeance de son échec chez la comtesse Varsovia ne va pas se manifester sur Madame Garitsa. Et il avait pitié de cette pauvre femme, qui, tout angoissée, maintenant lui tenait le bras, suppliante, lui demandant son aide. « Oh !» disait Madame Garitsa, « défendez-moi, protégez-moi. C'est à vous que j'ai obéi. Arrachez-moi à la colère du maître. »